ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'arrivée du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. On est réunis afin de commémorer l'arrivée du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France il y a exactement 350 ans. Aujourd'hui, c'est formidable, 19 juin, donc jour pour jour. C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous annonce la désignation de cet événement fondateur pour le Québec en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Le 19 juin 2015, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Hélène David, procède à la désignation officielle de l'arrivée du régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France comme événement historique. L'arrivée du régiment de Carignan-Salière marque en effet un tournant important dans notre histoire. C'est d'une certaine manière le véritable début d'une colonie de peuplement française en terre d'Amérique. Moi, le facteur le plus significatif, c'est la descendance que tous ces soldats-là ont laissée. 1300 soldats, il y en a 400 qui décident de s'établir en Nouvelle-France et de se marier. Donc, ils sont dans l'histoire généalogique de la plupart des Québécois. Ici, bon, juste, on a ici Julie Payette, dont son ancêtre était un Payette du Saint-Amour qui était du soldat de régiment Carrière, le maire de Montréal, bien sûr, Dominique Michel. Il y en a plusieurs autres aussi. Gilles Vigneault, comme j'ai dit, il y a M. Parizeau, l'ancien premier ministre Parizeau aussi, qui est descendant de Carignan-Salière. En tout cas, on en retrouve fréquemment dans l'histoire généalogique du Québec assez facilement, autant qu'on peut retrouver de filles du roi. On pourrait dire que, d'après moi, il y aurait au moins 750 000 Québécois qui ont un soldat de régiment Carignan-Salière dans leur histoire généalogique proche, pas éloigné, parce qu'éloigné, tout le monde est parent. Extrait d'un reportage de René Saint-Louis diffusé à l'émission L'Heure du Monde le 22 septembre 2015. C'est l'historien Marcel Fournier que vous entendiez dans cet extrait pour nous parler de l'importance historique que représente l'arrivée en Nouvelle-France du régiment de Carignan-Salière. Je reçois Jean-François Lauzier et les conservateurs Amérique française au Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Jean-François Lauzier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là. On a beaucoup dit, Jean-François Lauzier, que l'arrivée de ce régiment, le régiment de Carignan-Salière, ça marque en quelque sorte un tournant dans l'histoire de la Nouvelle-France. Pourquoi? Il n'y a pas de doute que c'est un moment important. Dans l'extrait sonore qu'on a entendu, Marcel Fournier, un des grands généalogistes du Québec, met l'accent sur la dimension généalogique, démographique. Et ça, c'est clair, ces soldats qui vont s'établir en grand nombre dans la colonie vont avoir une postérité abondante, vont contribuer dans l'immédiat au peuplement d'une colonie qui vivotait jusqu'aux années 1660 et donc vont laisser des traces dans l'ADN des Québécois, des Canadiens français de souche. Un peu au même titre que les filles du roi. Hein? Ça fait partie de l'équation. Ces soldats, les filles du roi, c'est eux qui sont un peu les pères et les mères de la nation, non? Tout à fait. Les filles du roi et les soldats du régiment de Carignan-Salière arrivent au même moment, appartiennent à un même programme colonial pensé par Louis XIV et par son ministre Colbert. Et puis, de fait, il y a plusieurs soldats qui vont trouver épouse parmi les filles du roi et s'établir ici. D'où la généalogie, donc, on revient à cet extrait de Marcel Fournier. Donc, il y a ça, il y a cet héritage sur le plan démographique, sur le plan généalogique, puis il y a plus que ça. Quand on parle du tournant, on parle aussi de l'impact que va avoir ce régiment-là sur la dynamique de la colonie, sur les affrontements avec les Iroquois. Il y a l'aspect militaire qui est important aussi, non? Tout à fait. L'impact militaire immédiat et l'impact de la paix que leur présence dans la colonie va permettre de sceller contre les Haudenosaunee, qu'on connaît mieux sous le nom des Cinq Nations Iroquoises, donc une confédération dont certains membres s'étaient opposés aux Français et qui avait représenté un véritable obstacle à la traite des fourrures, un obstacle également au peuplement de cette colonie. Oui. Parlons du contexte, justement, qui fait qu'à un moment donné, le roi va décider d'envoyer le régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Il y a, puis on va y revenir dans un instant, il y a tout un mythe qui existe autour de cette période de notre histoire. Je pense entre autres à l'épisode, ce fameux épisode de Dollard des Ormeaux. On va tenter dans un instant, justement, de départager le mythe de la réalité, Jean-François Lauzier. Mais on écoute d'abord un extrait de l'émission Des idées et des hommes, émission diffusée en 1960 et dans lequel vous allez entendre mon Monseigneur Olivier Moreau, qui lit un extrait des écrits de l'abbé Étienne-Michel Fayon à propos de la bataille de Lonceau. Je parlais de l'art des ormeaux il y a un instant. Et dans cet extrait, très représentatif de la façon dont on parlait de cette période précise de notre histoire, dans cet extrait, vous allez aussi entendre, et oui, l'usage de l'imparfait du subjonctif, s'il vous plaît. Mais encore une fois, au-delà de ça, c'est anecdotique, cet extrait-là est très, très représentatif de la façon dont on rapportait cette tranche d'histoire à une certaine époque au Québec. Jusqu'alors, les colons de Ville-Marie s'étaient contentés de répondre aux attaques des Iroquois et de leur donner la chasse dans les lieux voisins des maisons où ils avaient coutume de se tenir en embuscade. Mais ces barbares, ayant mis en marche une grande armée et pris la résolution de détruire tout ce qu'il y avait de français en Canada, il était à craindre que les Montréalistes ne succombassent enfin sous le grand nombre des ennemis, quelque vigoureuse défense qu'ils pussent opposer à leurs attaques. Dans cette extrémité si alarmante, un homme de cœur, s'il en fut jamais, Dollard des Ormeaux, ce jeune commandant de la garnison dont on a parlé, conçut, au mois d'avril 1660, le généreux dessein d'aller, avec un petit nombre de colons, à la rencontre de cette armée, de se battre jusqu'au dernier souffle, sans accepter de quartier, et en vendant ainsi leur vie le plus cher qu'ils pourraient, d'inspirer de l'épouvante aux Iroquois par une résolution si audacieuse et une mort si héroïque. Alors, que dire de ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, Jean-François Lozier? Puis plus largement, parlez-nous de ce fameux contexte, de cette fameuse menace autochtone qui fait que le régiment de Carignan-Salière va être dépêché en Nouvelle-France. C'est un extrait tout à fait savoureux. On entend Olivier Moreau, donc un historien, mais aussi un prêtre sulpicien du milieu du 20e siècle, lire un extrait des écrits d'Étienne-Michel Fayon, lui aussi un historien sulpicien, mais d'un siècle avant Moreau, donc du 19e siècle. C'est une vision de l'histoire qu'on pourrait décrire comme traditionnel, clérico-nationaliste en termes du Canada français, qui contient un fond de vérité. C'est tout à fait vrai que les Français, au début des années 1660, se sentent assiégés, la ressentent, cette menace iroquoise, la craignent. Tout le réseau de traite des fourrures est tombé aux mains des Iroquois, qui s'en sont pris à leurs voisins Wendat ou Huron 10 ans plus tôt. Sauf que ce qu'il faut saisir, comme vous le disiez, c'est que cette vision traditionnelle véhicule une part de mythe, ou le terme que les historiens de nos jours préfèrent utiliser, c'est celui plutôt de mémoire. Donc la mémoire étant autre chose que l'histoire disciplinaire, la mémoire est ce que les sociétés cultivent pour leur fin du présent. Oui. Donc ce qu'on voit par exemple, et ce que je ferais remarquer, c'est la tendance à parler des Iroquois. Et dans les sources de l'époque, on voit qu'on parle de l'Iroquois au singulier, mm-hmm. comme s'il s'agit d'un monolithe. Alors que dans les faits, ce que le regard historique d'aujourd'hui, à la fine pointe de la discipline historique et anthropologique, permet de voir, c'est que cette masse iroquoise n'en est pas une, et que ce qui caractérise le moment où va arriver le régiment de Carignan-Salière, le moment où Louis XIV décide qu'il faut envoyer des troupes pour vaincre l'Iroquois, ben, c'est une situation bien plus complexe où certaines des nations iroquoises cherchent et cherchent depuis longtemps la paix avec les Français, envoient non pas des guerriers contre Ville-Marie, comme cet extrait le laisse entendre, mais bien des diplomates, des délégations. L'ennui, ou ce qui vient compliquer la donne, c'est que, comme je l'ai mentionné plus tôt, les Haudenosaunee, c'est-à-dire les gens de la Maison Longue, les Iroquois, c'est une confédération. Oui. Une confédération, pas dans le sens moderne, non étatique, donc où le pouvoir n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'une nation peut faire la guerre alors que l'autre fait la paix à un peuple voisin, oui. ou que même au sein d'une même nation, il peut y avoir une faction, un groupe qui va s'attaquer aux Français alors qu'un autre va chercher à oui. faire la paix. Donc ça, c'est la nuance, elle est là, en fait. C'est qu'il n'y a pas un bloc, vous le disiez bien, c'est pas un bloc monolithique. On ne peut pas parler des Iroquois. Il y a des factions différentes, certaines plus pacifistes, modestes, certaines plus guerrières. C'est une première nuance importante. Cela dit, et puis l'autre nuance peut-être à apporter, c'est que un peu étrangement, au moment où Louis XIV envoie le régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France, on n'est pas au pic de ces tensions. On a vu pire quelques années auparavant. Ça, c'est une autre nuance. Mais il reste, pour terminer sur ce point, qu'il y a un réel sentiment d'insécurité chez les colons français à ce moment-là sur les territoires de la Nouvelle-France. Tout à fait. Ça, on le voit bien ressortir des sources de l'époque, donc que ce soit des écrits des jésuites, leurs célèbres relations, des lettres de Marie de l'Incarnation, de la correspondance avec la cour. Les Français paniquent. Mm-hmm. Vers 1660, donc de l'art des Ormeaux, ça marque un peu le nadir. Et en 1661-62, la colonie envoie des délégués jusqu'à la cour demander un appui, demander une implication plus grande de la part du roi Louis XIV, majeur, dans ce qui se passe dans sa colonie. Oui. Et ça va marcher, donc, puis les émissaires envoyaient ses bouchers, c'est quoi, Monseigneur de Laval, Jeanne Mance, et en 1665, Louis XIV, effectivement, décide d'envoyer le régiment de Carignan-Salière en Nouvelle-France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a en tête quand il décide d'envoyer ce régiment chez nous? Le « il » ici, il faut comprendre que c'est Louis XIV qui prend les rênes du pouvoir lui-même, qui écarte les gens qui à la cour pourraient lui faire obstacle. Et donc, Louis XIV veut adopter une politique de grandeur, s'intéresse aux colonies comme peu de monarques l'avaient fait, mais ce sera beaucoup son ministre, Jean-Baptiste Colbert, qui devient un premier ministre en quelque sorte, secrétaire d'État, notamment secrétaire d'État aux colonies, à la marine et aux colonies. Ce sera Colbert qui va penser le plan beaucoup plus que le monarque, mm-hmm. Ainsi que ses fonctionnaires. Et donc, en 1663, le roi révoque la charte de la Compagnie des Sans-Associés qui n'avait pas su défendre la colonie ou la faire fructifier, et la colonie devient une colonie royale. C'est dans ce contexte-là qu'on met en branle un programme colonial dont font partie certaines réformes gouvernementales. Par exemple, dorénavant, il y aura des intendants dans la colonie qui vont accompagner et contrebalancer le pouvoir des gouverneurs. Il y a également les filles du roi qui sont envoyées dans le cadre de ce programme-là. Et puis, il y a l'envoi d'un régiment qui fait partie des demandes de la colonie et de ce que le roi a en tête pour la colonie. Pour que la Nouvelle-France s'implante de façon durable, il faut vaincre l'Iroquois. Et donc, pour la première fois, c'est un plein régiment avec quelques compagnies additionnelles qui sont envoyées dans la colonie, avec un lieutenant général, le marquis de Tracy, un nouveau gouverneur, le gouverneur de Courcelles, donc quelques 1300 soldats et officiers d'état-major qui arrivent entre juin et septembre 1665. Bien formés, des gens, c'est un régiment très professionnel. Je ne sais pas si on peut parler de régiment d'élite, là, mais c'est des gens qui sont très, très bien formés, avec une commande du roi qui va assez loin. Là. Quand il dit, je pense que vous disiez s'attaquer à l'Iroquois, là, mais la consigne, elle est assez claire. Vous n'avez pas à y aller de main morte, comme on dit. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on aurait avantage à reconnaître, auquel on aurait avantage à réfléchir en ce début de 21e siècle, où la réconciliation entre les Autochtones et les Allochtones est un enjeu qui préoccupe bien les gens. Bien, le terme génocide est parfois employé et de plus en plus employé, notamment par la Cour suprême, pour décrire l'impact des pensionnats. Et il y a des gens qui résistent à cet emploi du terme génocide pour décrire l'histoire canadienne, le présent du Canada. Et il y aurait des débats à avoir, si on voulait les avoir, au sujet des pensionnats du 20e siècle. Est-ce que ça cadre avec le concept, qui est un concept très, très lourd, que celui de génocide ou pas? Mais ce qui devrait être clair pour nous tous, c'est que dans ce contexte plus éloigné, contexte de 1665 et les quelques années qui y mènent, les instructions que le roi, que Colbert, que Talon, célèbre intendant qui arrive dans la colonie à ce moment-là, les instructions qu'ils vont donner, ce sont des instructions qui demandent la destruction de l'Iroquois, son extermination. Donc, il ne s'agit pas simplement de vaincre, mais véritablement de mener une guerre destruction, oui. d'extermination contre ces ennemis qui, de loin de Paris, ressemblent quasiment à des... peuvent être imaginés comme des animaux dans les bois, et donc on les exterminerait de la même façon qu'on cherchait à exterminer les loups dans les forêts françaises. Oui. Maintenant, comment va se dérouler très concrètement cette campagne militaire du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France? On écoute à nouveau un extrait du reportage de René Saint-Louis qui a été diffusé à l'émission L'Heure du Monde en 2015. Cette fois, c'est l'historien David Ledoyen que vous allez entendre dans cet extrait. Ça montre aussi un grand tournant militaire pour les Français, puisqu'ils vont passer d'une situation défensive à une approche offensive contre leurs ennemis de la Ligue iroquoise. Ils vont devoir d'abord construire des forts dans la vallée du Richelieu, qui sont les sites maintenant de Sorel, Chambly, le fort Sainte-Thérèse à Carignan, le fort qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu et un qui est maintenant au Vermont, le fort Sainte-Anne à l'Île-la-Motte, dans le lac Champlain. Et ces forts-là, c'est des relais pour aller porter la guerre aux Iroquois. Donc, on veut renverser carrément la situation. Il y aura trois expéditions, une en hiver qui est assez catastrophique, une en été de reconnaissance en 1666 et la dernière en automne, où il n'y aura pas de grand combat, mais on va détruire de nombreux villages des Indiens Agni, qu'on appelle maintenant les Mohawks. Et ça mène 17 ans de paix, ce qui est très long dans l'histoire de la Nouvelle-France, surtout au 17e siècle. Donc, ça permet le commerce, ça permet les explorations vers l'ouest, et ça permet un rapprochement avec les Amérindiens, notamment les Iroquois, parce que beaucoup vont se convertir et certains vont se rapprocher des Français. Alors, on a une petite idée avec ce qu'on vient d'entendre du déroulement de cette fameuse campagne militaire du régiment de Carignan-Salières. Ça se fait en plusieurs étapes, Jean-François Lauzier. À quoi ça va ressembler, cette campagne-là, sur le terrain? Mon ami David Ledoyen vient de résumer ça à peu près aussi bien que je pourrais le faire. Ce sont des campagnes qui ne se déroulent pas aussi bien qu'on le voudrait pour différentes raisons. Donc, la première campagne qui est lancée par le marquis de Tracy, le gouverneur de Courcelles et puis l'intendant Talon est lancée dès l'hiver. Donc, au début de 1666, on espère surprendre les Iroquois. L'ennui, c'est que c'est les officiers, ces fonctionnaires français fraîchement arrivés ne comprennent pas l'hiver canadien, ne comprennent pas également l'importance des alliés autochtones. Donc finalement, il n'y aura pas un seul allié autochtone qui va se joindre à cette expédition. Et pour cette raison-là, ou pour ces raisons-là, donc le fait que c'est une campagne d'hiver pour des troupes et des officiers qui ne connaissent pas cette réalité-là, puis le fait qu'on est dépourvu de guides qui sauraient nous mener jusqu'au village de l'ennemi, ben finalement, l'armée, la fière armée ne parviendra pas à retrouver les villages des Mohawks, qui représentent la nation la plus à l'est de la Ligue iroquoise et la nation qui persistait dans ses attaques contre les Français alors que les quatre autres nations cherchaient depuis quelques années la paix. Donc, une première expédition qui est tout à fait désastreuse. Les soldats du régiment de Carignan-Salières, leurs officiers, vont être recueillis, accueillis par les colons hollandais de Schenectady, une petite ville près de ce qui s'appelait alors Fort Orange, qui s'appelle aujourd'hui Albany, qui existe encore dans le nord de l'État de New York. Les troupes vont devoir revenir bredouille dans la colonie. Oui. Donc, en fait, il y aura cette première expédition l'hiver. Il y en aura quelques autres. Et on peut dire, pour résumer, Jean-François Lauzier, que au fond, il y aura très peu d'affrontements directs, vous me corrigerez, de combats, mais qu'il y a le nombre de soldats professionnels qui appartiennent au régiment, l'impact psychologique, en fait. C'est ça qui va faire le travail, qui va faire son chemin dans l'esprit des Autochtones du temps, qui sont impressionnés quand même. Et les colons français aussi sont impressionné par l'arrivée d'autant d'hommes aussi bien formés. Oui, donc la première campagne a un résultat tragicomique, mais la troisième campagne, celle qui va se dérouler à l'automne de 1666, qui sera dirigée par le marquis de Tracy lui-même, va avoir comme résultat la destruction des villages des Mohawks, qui se nommaient, soit dit en passant eux-mêmes, les Ganyengeaga, mais que les Français nommaient Agni. Les habitants de ces villages, ayant su que les Français et leurs alliés autochtones, cette fois-ci, arrivaient, avaient pris soin de d'évacuer leur village, de trouver refuge, surtout chez les Oneida, nation iroquoise voisine. Et donc, ce que les Français et donc à la fois les soldats du régiment de Carignan-Salière, les miliciens, vont faire finalement, c'est détruire des villages vides, c'est mettre feu à des champs sans livrer bataille au-delà de quelques escarmouches. Et comme vous le disiez bien, l'impact psychologique sera important, et l'impact économique également, parce que les Mohawks vont y perdre leur récolte, celles qui se trouvaient encore dans les champs, celles qui étaient en réserve. Et donc, on peut dire, on peut reconnaître, comme on le reconnaissait à l'époque, que finalement, ce sera cette opération du régiment de Carignan-Salière qui va forcer la main des Mohawks, qui vont accepter de se rallier à la paix que les quatre autres nations iroquoises avaient tenté de négocier jusqu'alors. Oui. Donc, une paix va se conclure en 1667 entre les Français et leurs alliés d'une part, et l'ensemble des cinq nations qui va être déterminante. Oui. Paix qui va durer d'ailleurs, qui va s'étendre sur une période d'à peu près 20 ans. Terminons l'émission en bouclant un peu la boucle. On parlait de l'impact démographique au tout début de l'émission de cette présence du régiment de Carignan-Salière. Il y a l'impact démographique avec tout ce que ça veut dire. Quel impact ça va avoir, l'installation de certains de ces hommes en terre de Nouvelle-France sur le développement de la colonie? Donc, quelques 400 soldats du régiment de Carignan-Salière vont choisir, puisque la couronne leur en fait l'offre, vont choisir de s'établir ici. De ce nombre-là, 285 à peu près vont s'établir de façon permanente, vont trouver femme, vont laisser les enfants une postérité. Donc, il faut comprendre que la colonie, à cette époque-là, à l'arrivée du régiment de Carignan-Salière, ne comptait que 3000 habitants. Ce n'est pas rien. D'autre part, il y a des gens qui vont venir d'Iroquoisie s'établir près des établissements français, donc d'anciens captifs Wendat, c'est-à-dire Hurons, qui vont s'établir près de Québec et réintégrer la communauté de réfugiés. Il y a également des Iroquois de souche, disons, qui vont s'établir dans ces communautés, d'abord à Kentucky, la prairie, qui va se déplacer, devenir Ganawagi, ensuite à Ganisataké. Donc, les Français, grâce à cette paix et aux liens qui vont se tisser à partir de ce moment-là, les Français vont, au moment où vont reprendre les guerres contre les Iroquois et ensuite contre les Britanniques, les Français auront des alliés eux-mêmes issus d'Iroquoisie qui vont devenir des alliés précieux qui vont permettre à la France de survivre encore un bon demi-siècle dans la vallée du Saint-Laurent. Jean-François Lauzier, conservateur à la section Amérique française du Musée canadien de l'histoire de Gatineau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.